Écoute un peu, ma province elle est dangereuse. Écoute un peu, ma province elle est dangereuse. Paris 11, provenance, Belleville 1991. Rencontre mon sous-boubou, c'est de l'acté, maman 11. Un mélange du Maghreb, du Camer, du Mali, Mauritanie, du Sénégal, du Caper, du Congo et du Niger. Jeune voyou, mais voyons, on était déjà des petits cons. J'ouvre mes 15 bougies, course poursuite devant la barque, j'prends la fuite. Des cocos sur un spirit, à l'époque 16h45, sorti des collèges. J'ai l'air de 17h45, parti de tes pouillages. Scarface dans nos têtes, Tony M et son calage. Des vols à l'étalage, chez ED c'était le pillage. Cafouillage, des nanbas et les cartas. À 16 piges, première visite chez le juge pour enfants. Tasco BDZ et clope de 8 mois de sursis. C'est là que commence les soucis, 3 piges après, j'comparaissais au 36. Dieu merci, j'ai toujours dormi aussi, la même adresse que t'as mis. On a un garde de voyou, attitude de voyou. Tiens tenue de Zoulou, en langage de Zoulou. On a les sous à street. Obama du 6-0, Tasco d'Antigone. On a un garde de voyou, attitude de voyou, tenue de Zoulou, un langage de Zoulou, on a les sous à street. Obama du 6-0, Tasco d'Antigone. Et plateau ressorti sans de la Wall Street. J'décapite tes potos, ça sent la haine, c'est la merde dans la tête. Tellement j'ai faim, j'ai une haleine de fauve. J'suis un Renault au crâne chauve. Sur bitume, ça tombe pas rond, y'a des touffes dans nos têtes. On jongle entre Halal et Haram. Voyage entre Médine et Harlem, avec le risque et l'oseille. Les balles traînent, font du bruit, laisse-moi rire, hein. Il faut de la gym pour prétendre sortir de la jungle. En cas d'embrouille, ça s'agite et ça t'écale. Nos passions, The Shield, The Wire et la Big Rave. Demande à Peck comment ça se passe au ghetto. C'est ma bouche qui donne le ton et ma voix donne le départ. Pour certains, c'est chicha et verre de thé. Et pour d'autres, c'est Jack Tai et un bon joint. Dans mon bassin, les darons marchent en bassin et les voyous font du bisin. 6-0, c'est mon patin, va pas y marcher serein. Wall Street. On a un garde de voyou, attitude de voyou. Tiens tenue de Zoulou, en langage de Zoulou. On a les sous Wall Street. Obama du 6-0, Tasco d'Antigone. On a un garde de voyou, attitude de voyou. Tenue de Zoulou, en langage de Zoulou. On a les sous Wall Street. Obama du 6-0, Tasco d'Antigone. Tasco d'Antigone. Antidote, hey. Teste pas l'impossible qu'on rentre dans le beat. Teste pas trop. Nasco, SD, Rossouman, yeah. Dédicace à tout plateau. Fais pas le teuf, on va te saccager. Yeah. Antidote. Nasco d'antidote.